And I might not be perfect, but if you call me your man, I promise that I'll do the best I can. Quand tes yeux verts brillants illuminent mon âme d'un clair reluisant qui me rend mélomane, quand tes cheveux si longs sont rouges comme mes idées qui s'excitent de t'avoir rencontré, quand tes airs d'enfant et tes crop tops si légers, quand le look que tu t'inventes, chérie, me fait craquer, quand ma plume que je sors au bout de quelques mois sert à écrire encore que je n'aime que toi, donc je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Quand mon cœur devient blanc, chéri, de trop t'attendre, quand mes sentiments sont aussi simples que tendres, quand j'essaie mais que je ne parviens à oublier le souvenir troublant d'un pingouin en été, quand ton premier sourire m'a charmé au hasard, quand au parc Wilson tu as fini dans mon répertoire, quand nos premiers dialogues sur ta date de naissance, et quand 96 n'est pas mon année de chance, non je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Quand dans les bars de France je hurle ton prénom, dans des concerts sordides où la drogue est passion, quand ton prénom lapin je l'ai tellement crié qu'aujourd'hui à l'oreille je veux le murmurer, quand de longues années m'ont séparé de toi, quand on s'est retrouvé au plan d'eau quelquefois, quand tu as pris des hanches, que tu es pleine de joie, mais moi, mes gros grosses, moi, je reste pendu à toi, non, je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Quand un couscous chez moi devient un moment velours, quand le ménage chez moi se transforme en amour, quand tes cheveux qui tombent le long de tes deux fesses, quand je souris de joie devant tes SMS, quand des pizzas tous les deux dans un 9 mètres carrés devient grâce à tes yeux mes soirées préférées, quand tes appels paniquent à 3h du matin pour que Pingouin Courage t'appelle les gardiens, dont je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Quand tu as peur de ne pas profiter de ta vie, que pour remédier à ça tu plonges dans un yuri, quand je suis ton témoin confident des garçons, alors même que mon cœur tourne dans ta direction, quand ton corps dans ma tête est légende inconnue, quand il m'est interdit de t'imaginer nu, quand chansons dans ma tête tombent pour toi par milliers, quand tu me dis adieu pour la seule que je n'ai pas fait, non je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Quand un petit peu lassé de la romance des artistes, tu remplaces ton vieux pote par l'autre plus communiste, quand ta révolte du monde belle et grande comme toi, du haut de tes 18 ans fait que tu me laisses là, quand nos éclats de rire sur Reichmann et les PD, quand mon cœur bat trop fort pour ton petit bonnet, quand 68 Simon au bar nous tourne autour, et enfin quand tu m'enlaces pour me dire bonjour, non je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Quand quand à ton tour tu balances un je t'aime amical, que pour ne pas te perdre je simule l'égal. Quand je t'écris des cartes en voix de Montpellier, quand je tombe d'amour pour ton ukulélé, quand tu chantes avec moi au hasard d'un clic-clac, quand on n'arrive jamais à manger à la fac, quand il n'y a plus que toi entre le ciel et l'enfer, quand mon amour explose sur l'échelle de Richter, dont je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Quand nos deux voix si douces s'accordent en harmonie sur du Rusty Clinton, Old Laugh Johnny, quand j'ai une petite amie espérant t'oublier, que je t'oublie une heure, un jour à tout casser, quand tu touches les cheveux de mon meilleur ami, quand tu ne comprends pas pourquoi ma jalousie, quand tu me parles des Vosges, de fleurs, d'écologie, quand je te raccompagne jusqu'au pont du Solci, dont je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Quand mes souvenirs de toi tuent mon œuvre onirique, au flunch et à Jarny ou au lavomatique, quand on parle toute la nuit, quand tu me dis tes problèmes, quand Facebook trouve 115 résultats, nos je t'aime, quand je t'imagine un jour heureuse et dans mes bras, quand je n'imagine pas un Tony Fomblard sans toi, quand je nous vois un jour vivre en Nouvelle-Zélande en chapeau de paille recyclé dans une odeur de lavande. Non, je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Non, je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime.